بسم الله الرحمن الرحيم. سئل العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: هل صحيح أن المضمضة في الوضوء تسقط عن الصائم في نهار رمضان؟ Donc ils ont posé la question à Cheikh Najmi rahimahullah, est-ce que le fait de se rincer la bouche pendant le wudu, et quand on se purifie pour la salat, est-ce que ça annule al-siyam? Ou plutôt, est-ce que tasqut an al-sa'im, et est-ce que le jeûneur, il peut ne pas se rincer la bouche pendant qu'il jeûne? L'imam, il en a fait rentrer dans la bouche, bardanas, il pense que c'est comme boire. Et vu que le jeûneur, il n'a pas le droit de boire, certains, ils ont compris que donc tu n'as pas le droit de faire rentrer de l'eau dans ta bouche. قال الشيخ نجمي رحمه الله ليس هذا بصحيح. فالمضمضة في الوضوء فرض من فروض الوضوء. الشيخ نجمي رحمه الله il a répondu هذا c'est pas صحيح. هذا c'est faux. لأن المضمضة في الوضوء فرض من فروض الوضوء. المضمضة ça fait partie des obligations. Celui qui ne la fait pas, son وضوء il est pas accepté. قال سواء في نهار رمضان أو في غيره. لماذا؟ لأن on a une règle, أن toutes les adorations, elles sont légiférées pour tous les mois. Si on a une adoration qu'on ne peut pas faire à tel mois, forcément, on doit avoir un texte. Et là, si on n'a pas de preuve, min al-Qur'an ou min al-Sunnah, donc il n'y a aucune différence entre Ramadan et autre. Mathalan, toute l'année, on est tous d'accord qu'on doit se rincer la bouche quand on fait l'eau. Celui qui prétend que pour Ramadan, c'est pas permis, il doit nous citer un texte. Ah, mais si Wahed nous dit, mais on n'a pas le droit de boire, on lui dit, se rincer la bouche, c'est pas boire. Boire, c'est avaler l'eau. La preuve, si tu te rinces la bouche quand tu fais l'eau, tu as toujours soif. Donc, il n'y a aucun doute que le jeûneur, pendant Ramadan ou autre, il doit se rincer la bouche quand il fait l'eau. قال أو في غيره للصائم ولغيره لعموم قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم et ça c'est un ordre min Allah ayat sourate al-ma'ida c'est une base pour le wudu. Allah subhanahu wa ta'ala il a cité les membres obligatoires de l'wudu et parmi ces membres قال فاغسلوا وجوهكم et lavez-vous le visage et la bouche ça fait partie du visage donc se rincer la bouche c'est une obligation قال لكن لا ينبغي أن يبالغ في المضمضة أو الاستنشاق وهو الصائم لحديث لقيت بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ثم الشيخ نجمي رحمه الله il a terminé la réponse avec cette remarque أن quand tu jeûnes fais attention min al-mubalagha. Amma, en dehors du jeûne, c'est bien d'aspirer fortement avec son nez. Al-mabbanda, c'est se rincer la bouche, al-istinshaq, c'est aspirer l'eau avec son nez. Quand tu jeûnes, tu te rinces la bouche, et kadalik, tu fais rentrer de l'eau dans tes narines et tu rejettes cette eau. Lakin, quand tu jeûnes, tu fais attention de ne pas aspirer fort. Limada, yana, si tu aspires fort, et ça nous est tous arrivé, quand tu fais le wudu, tu aspires fort avec ton nez. Ahyanan, tu sens l'eau qui rentre dans ta gorge. Il y en a les narines, c'est lié après avec la gorge. Et cette eau, elle va pénétrer dans ta gorge, dans ton estomac. Et hada, c'est interdit pour le jeûneur. Et hada, pour le sang. Donc, on résume. Anahu, il doit se rincer la bouche. Kadalik, le nez. Lakin, pour le nez, il aspire pas trop fort. Hatta l'eau, elle ne pénètre pas dans sa gorge ou dans son estomac. Wallahu ta'ala, a'lam. La référence. Une risala où ils ont rassemblé des questions de Cheikh Najmi rahmatullah alayhi. نسأل الله عز وجل أن يحفظ الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.